Derrière chez moi, à deux pâtés de maison, un fameux charcutier. Et sans pâté maison, je ne suis pas bluesman, ni violent contenu. Moi, quand j'ai un problème, il faut que j'évacue. C'est pourquoi, mes amis, si je pleure, si je crie, c'est qu'ils l'ont démoli. Ma belle charcuterie, le cochon rose est mort. Et c'est grande pitié si je pleure sur son sort. C'est que j'aimais son pâté, le cochon rose est mort. Et c'est grande pitié, ceux qui l'ont tué sont forts. Ils auront mon crémier. Ce matin, l'ex-commis du patron, il ne vit pas très bien. L'ex-propriation, le vieil homme est amer. Il n'a plus goût à rien, et s'il n'y avait pas la mère pour lui tenir la main, gageons que c'est esthète. Ami du jambonneau, se serait mis dans la tête. Sa ration de pruneau, le cochon rose est mort. Et c'est grande pitié si je pleure sur son sort. C'est que j'aimais son pâté, le cochon rose est mort. Et c'est grande pitié, ceux qui l'ont tué sont forts. Ils auront mon crémier. Le cochon rose est mort, et c'est grande pitié, ceux qui l'ont tué sont forts. Ils auront mon crémier.